Il pose un baiser sur mon cœur. Il me dit que je suis son docteur. Qu'une vie sans moi serait sans saveur. C'est au réveil que ça se corse. J'apprends que je ne suis pas toute seule. Il y a des gosses et puis sa belle. Qui travaille trop, qui compte les heures. Arrive alors le coup d'épée du vieux couplet réalité. Je suis malade, j'ai besoin de toi. Et si tu me quittes, je m'en remettrai pas. Après une heure de monologue, lui se sent tellement soulagé. Il ne voit pas que j'ai la nausée. Et la main prête à décoller. C'est toujours la même histoire. Il range ses fringues dans mon placard. Il me dit que je suis comme sa sœur. Qu'une vie sans moi serait sans douceur. À ce moment-là, Roger appelle un vieil ami qui tombe au poil. Je prends ma voix la plus sensuelle pour lui demander de se faire une toile. Quelques minutes de bavardage, j'ai bien compris que c'était trop long pour le Don Juan dans mon salon qui n'en peut plus son impatience. Je n'aurais jamais dû raccrocher, car j'ai eu droit à un serment. Qui est ce mec intéressé qui se déshabille en t'attendant? C'est toujours la même histoire. Oh blablabla, blablabla, ne me dis pas que je suis comme ta mère. Je te le ferai payer ta vie entière. Enfin il part sur ses paroles sans s'occuper de ce que je ressens, me laissant seule comme une conne face à moi-même et mes tourments. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que normalement Roger m'attend pour voir un film en noir et blanc, où tout le monde s'aime sans se faire d'histoire. Enfin je me dis pour me rassurer que si Roger il est docteur, j'ai peut-être une chance pour la soirée.